vraiment. J'ai de la Maria, trop des Pays-Bas. J'suis dans la Benz, t'es dans l'anonymat. Et dans mon bloc, c'est la cause à Nostra. Ma vie, j'suis rapta, j'suis son boulot en tata. J'suis mon glock et basta. J'ai que les euros dans mes pensées. Baby, veux que du Henny, pas du rosé. Baby, pull up la Marina sur un jet ski. Baby, dans la mêlée de me recommencer. Des trucs que je peux pas rater. J'ai la ceinture rouge dans la MG, mais je fais pas de karaté. Oh non non, je t'en ferai pas la peine. Mon cœur est noir comme Scarabée. Je pilote la caisse, moi chérie, t'en fais pas. Si le compte est pas, tu sais bien que tu sais pas. Je pilote un Porsche qui fait le prix d'un F3. Raptor, sur le périph' en aqua. Je me demandais comment on se connaît, toi. T'es comme les autres, tu peux m'embler. Je me demandais comment on se connaît, toi. T'es comme les autres, tu peux m'embler. Mec, sur Master. Mashup. Déconcentré, t'étais déconcé, t'es moi. La chatte, de la chatte à la chatte. Alors bon. Déconcentré, t'étais déconcé, t'es moi. Tout y'a voir comme Télégramme. Tout y'a les deux sports, j'ai déjà. Déconcentré, t'étais déconcé, t'es moi. La chatte, de la chatte à la chatte. Alors bon. Déconcentré, t'étais déconcé, t'es moi. Da da da da da. Let's go. J'ai fait un rêve, j'ai vu la terre belle ronde avec une skate K. Monte-les en l'air s'ils ne te respectent pas. Dans ma Wattibule, le temps me fout les boules. Je l'ai juste mise à l'envers, me cassez pas les casquettes à l'envers. À Rio, au cas où y'a de l'action, celle de Black M a plus de valeur que le chapeau de Jackson. Au comico, je la retire à paix, encore moins devant le physio. J'irai jusqu'à trouver mon double pour une putain de fusion. Wattibé et pas une autre, moi j'en ai plus rien à foutre. Les gens du dessus me font pas peur, un homme peut pas faire venir la foudre. W-A-T-I-B, confond pas avec L.A. Prends pas le somme si ta gota boucle sous le charme, L.A. Ma vie est synonyme de casse-tête. Black M n'a pas retourné sa veste, il a retourné sa casquette. J'irai jusqu'à devant le chef d'état, à lui dire en face que je pense en faire de détails. Casquette à l'envers. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Je vais pas faire de cinéma, c'est désormais je ne vais frapper que là où ça fait mal. Tout bellisme guitarisé. Désormais je ne vais frapper que là où ça fait mal. Bad remix, Midtown. This is Sam Agadian. Everybody just wanna know where I'm from. I'm from Paris and what about mom? Me not sing fresh, me speak Jamaican. That's all I really want, them I put a fire on. Sex on a sofa like a lion. Because girl, them just have some fun. 617-911. We don't need two corn and them just in line. And the big bad, so sex on a so number one. Ready for ready for ready, mash up the plan. Bouncing, bouncing like you don't care. Get back to front finger in the air. Mash up the place like you a millionaire. Can't get a l'envers. J'irai jusqu'à devant le chef d'état, lui dire en face que je pense en faire de détails. Casquette à l'envers. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Je vais pas faire de cinéma, c'est désormais je ne vais frapper que là où ça fait. Tout balisme guitarisé. Désormais je ne vais frapper que là où ça fait. Giron Chrome. Moi c'est bitu, mes casquettes à l'envers, ça casse la démarche. Flash à hip-hop, petit on à l'ancienne. Ça niaque sous vos fenêtres, squat les battes, les boquettes arrière. Ça clash la journée, ça transacte à la ligue sa mère. Je me réveille avec des mots de tête, gueule de wap. Encore un me remémorer la cul d'hier. Pur zonard, négligé, débrouillard et sans complexe. Au checker, boule à Z, recusquette, gars sur la tête. On marche avec un watt dans le bout depuis l'Europoteau. Pour ça qu'on vit comme des ghetto youth, garde à vue dépôt. C'est claqué, j'en ai croisé des foules, plaqué, menotté. À se faire des joues comme des ballons de foot au lycée. J'ai pas fait long feu, tellement j'étais naze. Mon The Blast était le perturbateur du fou de la classe. Casquette à l'envers, chez moi c'est comme ça que mes potes la mettent. J'préfère lever le watt, j'veux pas tourner le dos pour qu'on me la mette. On a des yeux dans le dos, donc on porte nos casquettes à l'envers. Et ça, dans n'importe quelle cascade, allez hop, une casse d'aide. À ceux qui la portent comme un casque, parce qu'on vit dans un énorme casse-tête. À ceux qui la retournent pour mettre des coups de plafond. Au gorille qui regarde les gens, parce qu'ils poussent de la fonte. J'irai jusqu'à devant le chef d'état, à lui dire en face ce que je pense en faire de détails. Casquette à l'envers. On dit que l'abbé ne fait pas le moine, mais moi on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Je vais pas faire de cinéma, c'est désormais je ne vais frapper que là où ça fait. Doubelisme guitarisé. Désormais je ne vais frapper que là où ça fait. Ok, déconcentré, déconcé tes mains. Déconcé tes mains, déconcentré man. Déconcentré, déconcé tes mains. Déconcé tes mains, déconcentré man. Déconcentré, déconcé tes mains. Déconcé tes mains, déconcentré man. Déconcentré, déconcé tes mains. Déconcé tes mains, déconcentré man. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir on fait nos bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir on fait nos bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Tu m'envoies à des snaps compromettants. Mais vas-tu assumer la première mi-temps? Ferme la porte à clé, boucle périmètre. Y'aura pas de sentiments que des centimètres. Fais les va-et-vient et toi tu transpires. Pas d'échappatoire, tu vas pas t'en sortir. Si t'as des voisins, va vite les avertir. Ce soir on fait nos bails, je te laisserai plus tard. Dernier échange jusqu'à 6h30. C'est lundi les taillis. Pour qu'elle en redemande, on fera nos bails. Fais comme tu le sens. C'est lundi les taillis. Ça devient intéressant. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir on fait nos bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir on fait nos bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Mets-toi en position, bye. T'es en bas, t'es en bas, t'es en bas, gang. J'veux que tu whine, j'veux que tu whine, j'veux que tu whine, style. Oui, on fait nos bye, fait nos bye. Please, mes galants, faut du bois, faut du bois. Bad girl, ready pour un bad challenge. J'tiens les manettes, on est parti pour le manège. Bouge ton pom-pom comme Mila Valencia. J'aime quand tu danses ça. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir, on fait nos bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Mets-toi en position, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Ce soir, on fait nos bye. Si t'avais fait Koh-Lanta, t'as des courbatures, je sais que tu m'en veux. Assumeras-tu encore quand il faudra faire feu? 5h du mat, on appelle les pompiers. T'as des fantasmes à réaliser. Tu dis que j'suis le meilleur, que tu veux m'épouser. Moi j'en ai rien à foutre, je veux juste te donner un chat. Jusqu'à 6h30, seras-tu les taillis? Pour qu'elle en redemande, on fera nos baillis. Fais comme tu le sens, seras-tu les taillis? Ça devient intéressant. Je mets du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on darling. Baby, on va s'en aller. Pour toi, je mets du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on darling. Baby, on va s'en aller. Oh, oh, oh, Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Pour toi, j'fais du bif. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean. Baby, on va s'en aller. toi je fais du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on a allé. Baby, on va s'en aller. Oh, oh, oh. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Entre potes, merci d'avoir choisi Master. Merci de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Master FM France, ça c'est l'Instagram de la radio. N'hésitez pas pour lâcher votre like maintenant pour nous suivre. Et DJ Florum continue de mixer jusqu'à 21h au platine. Il est en direct ici avec Ozuna, David Guetta et Humanix. Pala Cultura, ça arrive avec Speedy, Lumidi, classique de Cientelo, Daddy Yankee, Charlie Black. Et le pote de DJ Florum, forcément, il fait ses premières parties dans tous les zéniths de France. Hein. Vous voyez DJ Florum pour les premières parties de Kinvé. Kinvé, ça va le faire maintenant. Remix de DJ Florum, le mashup jusqu'à 21h. J'aime quand elle fait des en pleine action, c'est ça qui est bon. Je ne me lasserai jamais de l'entendre faire des en pleine action, c'est ça qui est bon. J'aime quand elle fait des en pleine action, c'est ça qui est bon. Je ne me lasserai jamais de l'entendre faire des en pleine action, c'est ça qui est bon. Ça va le faire, yeah. Je vais tout donner toute la nuit. Ça va le faire, yeah. Oui, je te promets aucun ennui. Locking it down, Rockside DJ Florum, da da da da da. I saw you bad. When me a bed over, me a wine and catch. Sitting at the air, me a wine and catch. And a girl can't test how me wine and catch. Charlie, yeah. You know you love it, so me wine and catch. Take a premium look when you wine and catch. Position like a double, you wine and catch. That's how to try, boom, boom, pan Charlie Black. Make a kid tip, tip, tip, so come wine and pat. Pussy, tell her where you come from, wine for me. Make a kid money like a pepper, still wine for me. Like a tennis ball, me while you fling it, give me. Your pussy wet like clothes, then make a key ring it. You know, do child pussy for me, baby, me want brata. This a position, I go give you the data. Make a kid shovel up your pussy like mix smarter. I will be your fucking master. Yeah. Me a bed over, me a wine and cat. Sitting at the air, me a wine and cat. And a girl can't test how me wine and cat. Charlie, yeah. You know you love it, tell me wine and cat. Take a premium look when you wine and cat. Position like a double, you wine and cat. That's how to type, boom, boom, punch on the black. Make a kid tip, tip, tip, so come wine and cat. You come already, you don't want to come again. Make a kid still stand up like the clock of London. In a the fucking dumb, me a the fucking done. I better say me fuck you till you want left your man. The way you love me good, boy, me left me man already. And you give me good loving, so me ready for go steady. Put that ring on it and give me a baby. Anybody ask, it's Charlie. When you got it over, me a wine and cat. Sitting at the air, me a wine and cat. And a girl can't test how me wine and cat. Charlie, but you know you love it, tell me wine and cat. Give me the girl, them boom it on, boom it on me. Open the place where the girl, them shake for me. She like that, that, white for me. She have a bad pum pum, so baby stay on me. Give me the girl, them boom it on me. Open the place where the girl, them shake for me. She like that, white for me. She have a bad pum pum, so baby. Vinny, vinny, vinny, money bag, a pum a deal. So got the bass, I'm in the pop on, so man a deal. So baby, no free, I'm a vacation, yeah, pill. What's up, my pack of party, guess it's time, I keep on the yell. Sabot the deal, we all be bump. Mama pick it from a shy money to force ya. Up your duvan, lock your day air. Fuck with your key, chook it, chook it, chook it. Give me the girl, them boom it on me. Open the place where the girl, them shake for me. She like that, that, wine for me. She have a bad pum pum, so baby stay on me. Give me the girl, them boom it on me. Open the place where the girl, them shake for me. She like that, wine for me. She have a bad pum pum, so baby. Soya nuga me, from Cabe Ville, pum pum shot kabete. DJ ya kaka se ye so no wa demote. Ini from ma ko bat ka le tot tabase. From Cabe Yashé, moon Cabe Fule, champagne kabete. nous pas ni à se. Balabalam, balabalam neut. Balabalam, balabalam neut. Balabalam, balabalam neut. Balabalam, balabalam neut. Give me the girl them boom it on me. Open the place for the girl them shake for me. She like that, that, wine for me. She have a bad pum pum so baby stay on me. Give me the girl them boom it on me. Open the place for the girl them shake for me. She like that, wine for me. She have a bad pum pum so baby. Wine for me. She have a bad pum pum so baby. Wine for me. She have a bad pum pum so baby. Vini money bag e pou man di ou. So ka de basse men e papan sa man e di ou. So baby no free ou ma peke jwe ye pi ou. Oswa ma paka pati ge si sa ma ke pande ye ou. Sabote di ou la, ou yel bi bong pa. Mama ma peke fe ma chaye money tout fos la. Ope du van, lote de ye pou kou chuki. Chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki, chuki. Time se mi just get me down dan. Yo pussy a di la, yo mi body get feel. Taki a go do it like a one. Pou shot a sweet vibes in a bubble blue meal. Blue wheel bussin' on me head like gun. Position fit a ride the devil now feel. Yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla. Ooh, time say me just get me down the knee. Your pussy a deal and me body get deal. Cocky a go pour you like a wine. Two shot a sweet vibes in a bubble blue wheel. Blue wheel bussin' on me head like gun. Position fit a ride the devil now feel. Yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla, yalla. De là où a dépression avec pas de sable. Mais comme pour Rafa qu'on cul sorte qu'à la vallée. Nous indique où ça y brille comme Gilles Mallet. Nous les posés dans le coin trop fine. Nous les fraîches même à 10 degrés nous sans pile à clim. Si tu les hits, si tu le pas. Yes tous les aïe. Yes tous les aïe. Aïe, allez la cyclone. Un caf comme moi n'a point clone. Que Dieu comme moi ça est bacon. Parce que ça n'a point partout. Ça n'a point partout. Ton nez gros dans la bouche. Ça sent la loupe. Ça a dit qualité il mouche bien. Elle est loup-garou. Elle fait mouiller les minous. Qualité cafrousse. Nous connaissons ça qui aime bien. Zobat, le temps commence gâté. Paris ton dernier couplet man gâté. Mitel mi passe pas tout n'a mauvais temps. Le deal la trahison mitel ou le dedans. Au lieu où mettre la gaz. Parce que là ça a gagné. Ou peut pas on parle chétan. Daï d'homme bad ça me prend dans tes dents. Avant ça vole là dedans faut prendre l'élan. Aïe, oh la la cyclone. Bouliti la col. Aïe, oh la la cyclone. One day. bien, girl. Esta noche no quiero un error. Hacemos una porni, yo voy a ser el director. Contigo no me pongo necio. Baby, ese creció. Porque tú tienes valor, pero muchas solo tienen precio. Se te humedece. Cuando te toqué, baby, yeah, yeah. Don, don, don, don, don. Contigo puedo ser fiel. Tú estás en otro nivel, baby. Don, don, don, don, don. Se te mojaron los labios, desde la boca y los... Mami, te quiero ver, estoy en Ibiza, bebé, yo te llevo. Solo disfruta de la vista, que voy a llevarte pa' broncearte en la playa nudista, pa' que no tires fotos imprevistas, y nos vamos viral y en portadas de revistas. Se te humedeció. Boca, percibe mi aroma, dime algo que probó. something. I know you want something classy but sexy without no tongue ring. Step to your girl, let me know it's your world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering all through the night. Didn't know this love could be so tight. No. Remix. Hell yeah, that's right. You better be tight. En mi cama yo te quiero mojadita tonight. Tú eres mi golosina, yo tu colombina. Nos vamos en la cama, en el baño, en la cocina. Siéntelo. Siéntelo. Mi colombiana. Siéntelo. Cierra tus ojos y siéntelo. Ah, ah. Grita la nena cuando está en mi cama. Uy, qué cosa tan buena. Ah, ah. That's a call. Her eyes telling me, give me some more. Ah, ah. Acércate, abrázame, apriétame, chica, caliéntame. Ah, ah. Para ti, mi amor. Siéntelo. Dímelo. Dímelo. Dímelo. Yo presiento es que tú quieres rumba y mami. Baila más todo, cuídale lento. Pa' la cultura y pa' que se prenda y mami. Ya veo llegando las cubanas, vienen con las colombianas y me dicen que trajeron pa' mí. Una amiga dominicana con todas las de Puerto Rico que llama a todos los panas pa'l party. Que ellas aguantan presión, quiere que le agarre el traje y la pegue a mi pantalón pa' subirle la emoción. Y nos vamos de misión duro hasta el otro día pa' matar la tentación. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Manos al aire, que suena todos los latinos, quiero que grite. Que tenemos sangre de guerrero, de PR para el mundo entero. Que estamos en alta y no hay quien nos baje. Pa' la cultura, pa' la raza, como decía Blanco, tiene el otro paso, avanza. Esta es la música que suena y no te cansa. Dale mamacita y ponte pa' la danza. Bailalo tú, tra, tra, bucutú. No le bajes ni dos, esa es la actitud. Bailando tu tra-tra, bucutú. No le bajes ni dos, esa es la actitud. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Pa' la cultura, cultura, cultura. Yo soy como Richard, yo no los veo. Yo soy el CEO de ese meneo. Hotel donde llego, yo tengo el seteo. So, volando muy alto, yo no los veo. Es pa' decirte que, es pa' decirte que estás. Pa' montarte en el taxi, no te toque casi. Un perreo nazi, full kamikaze. Hicimos toda la titina de vuelta al jet. Mami, mucho hielo en el cuello. O lo rolas tú, o lo rolo yo. Fashion y la bitch, modelo en L-A-L-O. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Pa' la cultura, cultura, cultura. ¿Dónde están las nenas más duras? Prende fuego y locura. Esa que no tiene censura. De seguro es sangre latina pura. Súbele, bebé, un poquito más. Hasta que el bajo te ponga a vibrar. Pa' la cultura, bebé. Talía. Pa' la cultura, cultura, cultura, cultura. Pa' la cultura, cultura, cultura. Hey, you and I see why it's the movement. Everybody here is on the same, we know the truth. It's also what we see in the news. It's useless, useless. Sacre de la arena y el mar. Estaré soñando morceau Ozuna, Doja Cat et Sia. Le morceau c'est Delmar d'ailleurs, vous l'entendez toute la journée ici sur Master, et c'est mixé par DJ Florum à l'instant. On continue le mashup ici 06 52 49 36 10, avec vos messages. Ajoutez-nous sur WhatsApp si vous voulez laisser votre message vocal à DJ Florum, 06 52 49 36 10. On continue avec Bruno Mars, Jason Derulo, Talk Dirty, remix de DJ Florum, et un autre remix sélectionné par DJ Florum, c'est R. Kelly, I Believe I Can Fly, remix de H, maintenant sur Master, 21h, 19h30, 21h, le mashup de DJ Florum. And screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys and I'll stay a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I'm the one of the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met it yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, he let them racks off. Pero si le ponen la canción, llega una depresión pronta. Llorando no comienza a llamar, pero la dejo en buzo. Será porque con loca está riendo que otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente. I'm

up. Are you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacked. Keep up. Players only. Come on, put your pinkies, raise up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the sur Master, 19h30-21h, faites tourner le mot autour de vous. Vendredi soir, ça se passe chez nous, le mashup de DJ Florum, DJ Florum au platine. Et surtout, bah, je sais pas moi, peut-être que DJ Florum peut vous bercer, peut-être que DJ Florum peut vous réveiller. Vous téléchargez les podcasts, ces émissions sont à télécharger maintenant sur masterfm.fr. On continue le mashup de DJ Florum avec les Black Eyed Peas, Justin Timberlake, Pinky Redman, Doja Cat, Nicki Minaj pour Say So. C'est la suite du son mixé par DJ Florum. DJ Florum. Like young Kiki. Yes, I'm ghetto. Word to Geppetto. Plus I'm Leto. Where's my stiletto? Tell Mike Jordan, send me my retros. Used to be bite, but now I'm just hetero. Ain't talking medicine, but I made a morphine. Ever since I put the cookie on quarantine, he know this thing A1 like a felony. All he gotta do is say the word like a spelling bee. My breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it, push it. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you try. Yeah. All of them is hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Then it is. Didn't even notice. No punches, got to roll it. You got to keep it focused. You wanna say so.

week-end. Merci d'avoir choisi Master pour vous ambiancer. Peut-être que vous êtes entre potes, vous laissez votre message. Masterfm.fr, rubrique contact, hein, si vous voulez qu'on le balance ici à l'antenne ce soir ou la semaine prochaine. Hein, d'ailleurs, si vous avez envie d'écouter un son, n'hésitez surtout pas. Master Hip House Music et Master, le mashup de DJ Florum. Tous les vendredis soirs entre 19h30 et 21h, on continue avec le mix un peu plus électro. Julian Jordan arrive, Léo Funback, Cashmere et les Black Eyed Peas. No Manana, maintenant, c'est Master, le mashup jusqu'à 21h. DJ Florum. Me la como de cena. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, dámelo ahora. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Let's party like no mañana. Como si no hay mañana. Party like no mañana. Como si no hay mañana. Vamos al party ahorita. Yo no sé mañana. Party like no mañana. We living like this. No mañana. Mumble, grab on to the things, don't fumble. Humble, stay humble. I know your ass on max like jumbo. First sight, had a motherfucker stumble. Let's party like running out of tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Dámelo ahora. Dámelo ahora. Dámelo ahora, dámelo ahora. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Let's party like no mañana. Como si no hay mañana. Party like no mañana. Como si no hay mañana. Vamos al party ahorita. Yo no sé mañana. Party like no mañana. We party like this. No mañana. El alfa. No mañana. Dig it. Instagram. Chaque semaine, DJ Forum. Mashup. C'est sur Master. C'est sur Master. Take only what you need from it. A friendly Like a boss. We don't have to. tous les vendredis soirs à 19h30, 21h. Ajoutez-nous sur les réseaux sociaux, c'est super important, un petit like, ça fait toujours plaisir. Master FM France sur Facebook, sur Instagram. Likez, laissez vos messages, faites-vous plaisir, ici c'est la grande famille. Star Sailor avec Félix Forte ou de Flo, remix de Albert Cam, classique de 2004, sélectionné par DJ Florin pour terminer ce mashup. Vous le retrouvez en illimité, en podcast, téléchargez ses émissions sur masterfm.fr. Là à 21h, c'est Multitempo Party avec DJ Léviathan. 21h, 22h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 19h30, 21h. Passez une bonne soirée, un bon week-end et prenez soin de vous. DJ Florum.